Chapitre 6e. En disant que cela était des imbéciles ou des ingrats qui ne voulaient pas recevoir leur bonheur tout fait, tout mâché, pour ainsi dire, comme la pâtée que les oiseaux versent dans le bec ouvert de leurs petits, Madame d'Alifar avait été parfaitement sincère, et elle n'avait pas voulu imposer silence à Madame Nélis par une réplique telle qu'elle. Alors qu'elle disposait tout dans l'appartement de ses enfants et poussait la prévenance jusqu'à ranger le linge de Juliette dans les placards, mettant les mouchoirs à cette place et les manches à cette autre, il ne lui était point venu à l'idée que sa belle-fille pouvait n'être pas satisfaite de ses dispositions. C'était de la peine qu'elle lui épargnait et des habitudes d'ordre qu'elle lui donnait d'une façon détournée. Mais sa querelle avec Madame Nélis la fit réfléchir. La fille pouvait bien ressembler à la mère. Alors, qu'arriverait-il? Sans doute, Juliette n'était pas sotte, et l'on ne pouvait pas la classer dans la catégorie des imbéciles. Mais elle était susceptible, et avec les gens de ce caractère, il faut être sur ses gardes. Ce fut donc avec une certaine inquiétude qu'elle attendit le retour de ses enfants, ou plus justement de Juliette, car pour son fils, elle était certaine d'avance qu'il serait l'homme le plus heureux du monde. Dans les petites comme dans les grandes choses, n'avait-elle pas eu souci de ne chercher, de ne faire que ce qu'il aimait? Elle le connaissait assez dans ses goûts et même dans ses manies pour être assurée de ne s'être trompée en rien. Enfin, ce retour tant de fois retardé eut lieu. À 6 heures du soir, ils débarquèrent à la gare de Lyon et à la porte de sortie, ils trouvèrent Madame d'Alifar qui les attendait. Il y a ordinairement dans la vie d'une belle-mère un moment critique. C'est celui où, le mariage accompli, elle se trouve pour la première fois avec son gendre ou sa belle-fille. De quel nom va-t-on l'appeler? Maman ou madame? Et ce nom, bien souvent, décide le bonheur ou le malheur d'une famille. Madame d'Alifar ne tenait pas du tout à être appelée maman, et même elle eût trouvé mauvais que Juliette se servît de ce nom. Elle n'était mère que de son fils seul, et le mariage de celui-ci ne lui avait point donné un second enfant. Juliette était sa belle-fille et non sa fille. Le premier accueil n'eut donc rien de gêné. Après s'être embrassé, on monta en voiture et l'on roula rapidement vers la rue des Vieilles Haudriettes. Pendant les premières minutes, Madame d'Alifar n'eut de regard et de parole que pour son fils. Ce fut seulement en approchant de la maison qu'elle tourna les yeux vers Juliette. Durant quelques secondes, elle l'examina de la tête aux pieds et des pieds à la tête. « Le voyage vous a bien fait, » dit-elle enfin. « Le soleil vous a bruni. » En tout, vous paraissez avoir pris des forces. Cela me fait plaisir. » Puis, comme on entrait dans la cour de la maison, elle en resta là. Elle monta la première, et la première aussi, elle ouvrit toutes les portes des différentes pièces de l'appartement. Ce qu'elle avait prévu pour son fils se réalisa. Il se montra vraiment enchanté, tout lui parut charmant. Mais c'était de l'impression de Juliette surtout qu'elle avait souci. Et Juliette, précisément, ne disait rien, ou ne laissait rien paraître qui pût révéler dans quel sens elle était affectée. De l'entrée, on passa dans le salon, puis dans la salle à manger, puis dans la chambre. Juliette marchait derrière son mari, regardait et ne parlait pas. « Voilà votre chambre, » dit Madame d'Alifar en soulignant le vôtre. « Mais vois donc, Juliette, » s'écria Adolphe, ravi, « vois donc, je vois. » « Cela ne vous convient point ainsi ?» demanda à Madame d'Alifar, que l'exaspération commençait à entraîner. Juliette hésita un moment. Il fut évident qu'une lutte se livrait en elle. « Je n'ai qu'à prouver, » dit-elle enfin. « Dès demain ?» acheva Adolphe. « Dès demain. Mais mon approbation doit être surtout un remerciement. « Tu es une fée, » dit Adolphe en embrassant sa mère. « Tu es heureux, » dit Madame d'Alifar. « Je suis dans le ciel. Mais les joies célestes ne doivent pas nous faire négliger les joies terrestres. Le couvert est mis, allons dîner. » Puis, en se mettant à table, il déclara que cela semblait vraiment bon de se retrouver chez soi. « Assurément, » dit-il, « notre voyage a été aussi charmant qu'il pouvait l'être. Mais c'est égal, il y a un bonheur particulier à s'asseoir à sa table avec ceux qu'on aime. Et puis le linge damassé est plus agréable que la brosse toile écrue. Et le sauterne vaut bien le vin d'Ivorne. Tiens, des pickles. Ah, maman, tu penses à tout. Juliette ne répondit rien, mais elle posa sa cuillère dans son potage et se fit enlever son assiette pleine. Comment trouvez-vous la femme de chambre qui a servi à table ? Demanda Madame d'Alifard à Juliette lorsqu'on passa dans le salon. Je ne l'ai pas regardée. C'est fâcheux car je l'ai prise pour vous. Elle vous appartient à vous seule. J'espère que vous en serez satisfaite. On m'a dit qu'elle coiffait dans la perfection. Je vous remercie, je me coiffe moi-même. Oui, autrefois cela était bien. Et il eût été assez étrange que vous prissiez un coiffeur. Mais maintenant les conditions ne sont plus les mêmes. Vous trouvez que je me coiffe mal ? Vous vous coiffez bien pour une jeune fille, à qui ce qui est simple convient. Mais vous n'êtes plus une jeune fille. Une torsade et un nœud ne vous suffisent plus. Il vous faudra des coiffures travaillées comme celles de toutes les femmes. Et vous ne sauriez pas les faire de manière à plaire à votre mari. Ce que vous devez chercher avant tout. Que dites-vous donc ? Demanda Adolphe. Rien qui t'intéresse, répliqua Madame d'Alifard. Va fumer ton cigare. Nous parlons de la femme de chambre que je donne à Juliette. Et Adolphe, croyant que sa mère et sa femme avaient à s'entretenir des choses du ménage, descendit dans la cour pour les laisser libres. Maintenant que nous sommes seuls, continua Madame d'Alifard, parlons d'autre chose. Où en sommes-nous, ma chère enfant ? Juliette, sans répondre, regarda sa belle-mère. Puis, devant son sourire, elle baissa les yeux vivement. « Eh bien, oui, » continua Madame d'Alifard, « j'espère que vous êtes enceinte. » Juliette resta les yeux baissés, les lèvres closes. « L'êtes-vous ou ne l'êtes-vous pas ? Oh, madame !»« Eh bien, quoi ? Ma question est bien naturelle, et j'ai le droit de la faire, sans doute. Il ne faut pas vous effaroucher pour si peu. Ne suis-je pas votre belle-mère ? À qui vous confierez-vous, si ce n'est à moi ? Vous pensez bien que si je vous pose cette question, ce n'est pas par pure curiosité. J'ai un intérêt à vous l'adresser. D'abord, sachez que je trouve coupables les jeunes femmes qui s'arrangent pour n'avoir pas d'enfants pendant les premières années de leur mariage, afin de pouvoir s'amuser et voyager, mener la vie de plaisir en toute liberté. À mes yeux, c'est un crime. Il faut avoir ses enfants tout de suite. On a ainsi plus de temps pour les aimer. Et d'ailleurs, ils sont plus solides. Je serai donc très heureuse si vous me dites que vous êtes enceinte. Je le serai pour cette raison et pour une autre encore. Vous vous rappelez Françoise ? Françoise, oui, Françoise, la nourrice de Madame Robinet, que vous avez dû rencontrer 20 fois chez moi à Nogent, quand elle venait faire marcher son bébé sur ma pelouse. Eh bien, elle m'écrit qu'elle est enceinte. Quand elle est repartie pour son pays un mois avant votre mariage, je pensais bien que cela devait arriver, parce que ces femmes-là ne perdent pas de temps. Une nourriture finie, elles se mettent tout de suite en état d'en recommencer une autre. Je lui avais donc recommandé de me prévenir quand elle serait grosse. Elle m'a prévenu et voilà pourquoi je vous pose ma question. C'est la meilleure nourrice qu'on puisse souhaiter. Je l'ai vue à l'œuvre, elle a tout pour elle. L'expérience, la force, la santé. Et puis pas paresseuse pour laver le linge de son enfant et pas trop gourmande. Comme Juliette demeurait toujours silencieuse et immobile, Madame d'Alifard reprit après un moment d'attente. « Vous ne dites rien. Qu'avez-vous ? Vous ne vous êtes pas mis dans la tête, n'est-ce pas, de nourrir votre enfant vous-même ? Vous savez que ce serait de la folie, que je ne le souffrirais pas. D'abord, une femme qui nourrit n'est plus une femme pour son mari. Vous devez penser au vôtre, qui, je crois, ne serait pas du tout disposé à vous céder à son enfant pendant 15 ou 18 mois. Et puis il y a encore une autre considération. Certainement, vous êtes pleine de force, vous avez de la santé. Mais enfin, vous n'êtes qu'une parisienne. Votre père était parisien, votre mère est parisienne, Adolphe est parisien, et moi, je suis parisienne aussi. Tout cela réuni donne pour résultat chez votre enfant un parisien pur sang. Il faut donc qu'il suce un lait plus généreux que celui que vous pouvez lui donner, un lait de campagnarde, un lait animal qui le régénère. Je me suis fait expliquer cela par notre médecin. Et il paraît que c'est indispensable si nous voulons avoir un enfant sain et vigoureux. Et vous le voulez comme nous, n'est-ce pas ? Pour le plaisir de jouer à la nourrice, vous ne voudrez pas faire un avorton. Vous pouvez vous rassurer, dit enfin Juliette, d'une voix frémissante, je ne suis pas enceinte. J'en suis fâchée, très fâchée. Mais j'espère que ce sera pour bientôt. Vous ne pouvez pas me faire plus grande joie que de me donner un enfant. Seulement, ne concluez pas de cela que plus vous m'en donnerez, plus je serais heureuse. Un me suffit, et si vous en aviez deux, cela dérangerait toutes mes combinaisons. Je veux que mon petit-fils ait une grande situation dans le monde, et ce ne sera pas trop de toute ma fortune pour la lui donner. Car de la façon dont marchent les choses, dans 20 ans, 1 million ne vaudra que 400 ou 500 000 francs. Sans doute, si vous aviez une fortune égale à la nôtre, vous pourriez vous offrir le luxe de 2 enfants. Mais vous ne l'avez pas, cette fortune. Ce n'est pas votre faute. Au reste, je parlerai de cela à mon fils. » À ce moment, Adolphe rentra dans le salon. « Je peux rentrer ? » dit-il. « Je ne vous dérange pas. Vous êtes d'accord, j'espère. » « Le sommes-nous ? » demanda Madame Dalifard en se tournant vers Juliette. « Oui, oui, madame. »